Chapitre 4. La lettre. Les premières semaines d'Ophélie à la cour ne furent vraiment pas ce qu'elle avait imaginé. C'était sans doute lié au fait qu'elle n'y avait pas remis les pieds. Après que Farouk l'eût nommée vicomteuse, Ophélie avait été installée avec Bérénilde au gynécée, au sixième étage de la tour, juste au-dessus de celui attribué à la jetée promenade, et elle n'en était plus ressortie. Chaque matin, le grand chambellan franchissait la grille dorée de l'ascenseur, déroulait une feuille de papier et appelait une à une les courtisanes qui avaient été choisies pour servir d'escorte à Farouk. Si le nom de Bérénilde était toujours sur sa liste, pas une fois celui d'Ophélie ne fut mentionné. Or, s'il y avait un endroit où il ne faisait pas bon être oublié de Farouk, c'était bien le gynécée. Ce monde moelleux semblait tout droit sorti d'un imagier oriental. Le soleil ne s'y couchait jamais. Chaque courtisane disposait de son propre logement et celui de Bérénilde était une véritable ode à la volupté, avec ses banquettes, ses coussins, ses tapis et ses ottomanes qui baignaient dans la lumière rayée des claires-voies. Cette douceur était trompeuse. Les courtisanes qui vivaient au gynécée étaient presque toutes des mirages et elles avaient vu d'un très mauvais œil l'intrusion de nouvelles rivales dans leur nid. À peine la grille de l'ascenseur se refermait-elle sur Bérénilde que les hostilités commençaient. Un matin, Ophélie fut couverte de pustules de la tête aux pieds. Le lendemain, elle se mit à dégager une abominable odeur de fumier. Le surlendemain, elle ne pouvait plus faire un geste sans émettre de tonitruants bruits de flatulence. Ce n'était heureusement que des illusions éphémères qu'on lui jetait dès qu'elle avait le dos tourné et qui se dissipaient en quelques heures, mais l'inventivité dont ses courtisanes faisaient preuve pour l'humilier était sans limite. « C'est intolérable !» finit par exploser la tante Roseline quand Bérénilde revint un soir de la jetée promenade. « À quoi elles nous servent, vos valkyries, si chacun ici peut maltraiter cette gamine comme ça lui chante ?» Elle avait pointé un doigt dénonciateur sur les vieilles dames qui ne lui firent même pas l'honneur d'un sourcillement. Les valkyries suivaient Ophélie et Bérénilde partout où elles allaient, dormaient à leur côté, mangeaient à leur table, aussi discrètes et aussi silencieuses que deux ombres, mais jamais elles ne se mêlaient de leurs affaires quotidiennes. « Pour le moment, ce ne sont rien de plus que des enfantillages », assura Bérénilde en se tournant vers Ophélie qui était cette fois-là affublée d'un groin de cochon. Il ne faudrait toutefois pas que cette situation s'éternise. Je connais ces dames. Leurs tentatives d'intimidation vont se faire de plus en plus audacieuses. Et ce, tant que notre Seigneur n'aura pas reposé les yeux sur vous. S'il se désintéresse de votre personne, vous ne pourrez pas honorer votre contrat et sa protection ne tiendra plus. J'ai essayé de lui glisser un mot à votre sujet. Mais comment voulez-vous que le grand chambellan vous inscrive sur sa liste alors que vous présentez si mal ? Installée à la table à thé du salon, Ophélie ne lui répondit pas, concentrée sur la lettre qu'elle essayait d'écrire à ses parents. Thorne s'était porté garant du courrier, mais c'était un véritable casse-tête de raconter sa vie ici sans complètement les épouvanter. En ce qui la concernait, Ophélie était beaucoup moins préoccupée par les illusions qui la défiguraient que par cette charge de vicomteuse qu'il lui faudrait tôt ou tard assumer. Elle n'avait trouvé aucun livre au gynécée pour l'aider à rassembler des idées et, faute de mieux, elle mettait son temps libre à profit pour améliorer sa diction avec des exercices de prononciation. Elle aurait au moins voulu savoir quel genre d'histoire Farouk aimait écouter. Elle ne savait déjà pas elle-même celle qu'elle aurait aimé raconter. L'esprit de famille du pôle me demande de lui conter des histoires animistes, finit-elle par écrire à son grand-oncle. N'auriez-vous pas des idées à me soumettre ? Le grand-oncle était archiviste et le membre de la famille dont Ophélie se sentait le plus proche. Pourtant, même à lui, elle n'osa raconter ce qui se passait réellement ici. Chaque jour, Renard et Gaël lui manquaient davantage. Ils étaient les seuls véritables amis qu'Ophélie s'était faits au pôle. Mais il gravitait dans un monde différent du sien et il menait une vie déjà assez pénible comme ça. Elle faisait ses besoins dans des toilettes en or pendant qu'il récurait celle du clair de lune. Il arrivait parfois à Ophélie de regretter la livrée de mime qui lui avait longtemps garanti un parfait anonymat. Par exemple, quand elle croisait Cunégonde au gynécée. La Mirage fournissait les autres courtisanes en illusions coquines et elle avait ses entrées à peu près partout. Ophélie tressaillait chaque fois qu'elle entendait le bruissement de son voile à pendeloc ou qu'elle respirait son puissant parfum au détour d'une galerie. Cunégonde ne lui adressait jamais la parole, mais elle ne manquait aucune occasion de lui faire sentir, par un regard éloquent, qu'elle n'avait pas oublié son affront au jardin de Loa. Si Cunégonde mettait Ophélie mal à l'aise, c'était peu de choses comparées à ce que lui inspirait le chevalier lorsqu'elle le voyait, et elle le voyait beaucoup trop souvent à son goût. Il existait au gynécée des heures de visite spécialement réservées aux enfants. Ce n'étaient jamais des enfants directs de Farouk. Celui que portait Bérénilde était l'exception qui confirmait la règle, mais certaines courtisanes avaient été autrefois des femmes mariées et des mères de famille. Le chevalier en profitait pour apporter des cadeaux à Bérénilde. Il créait pour elle les plus belles illusions de fleurs et de parfums, mais elle refusait obstinément chacun de ses présents. « Ne lui ouvrez jamais la porte en mon absence », ne cessait-elle de recommander à Ophélie et à la tante Roseline. « C'est la première fois que quelqu'un tient tête à cet enfant. Ses réactions peuvent être imprévisibles. » Bérénilde ne croyait pas si bien dire. Le chevalier était si obsédé par elle, si désemparé par son dédain, si maladivement jaloux, qu'il s'en prit un jour à un autre enfant à qui elle avait eu le malheur de sourire. L'enfant se mit à courir à travers le patio et à se rouler sur le sol en appelant sa mère à l'aide, comme s'il était consumé par des flammes invisibles. Il n'en garda aucune séquelle, apparente du moins, et le chevalier assura que c'était pour de rire. Mais Ophélie fut horrifiée par la scène. Elle se réveillait depuis chaque nuit en sursaut en croyant voir luire des lunettes en cul de bouteille au pied de son lit. « Je ne sais pas comment vous faites pour vous contenir de la sorte !» grommela la tante Roseline en jetant un coup d'œil nerveux par l'entrebâillement des persiennes. « Ce petit mirage me hérisse les épingles sur la tête. Il faudra un jour que vous m'expliquiez pourquoi vous l'appelez tous chevalier. C'est un vrai danger public, oui. » « C'est lui qui s'est autoproclamé ainsi, » soupira Bérénilde. « Et vous ne connaissez pas le plus drôle. Il l'a fait en mon honneur. Il prétend être mon chevalier servant. » « Il n'y a donc pas un seul adulte pour le maîtriser. Nous n'allons tout de même pas passer notre temps à nous cacher de lui. » Le comte Harold est son oncle et son tuteur. C'est un vieil homme un peu dur d'oreille. Il se montre rarement dans le monde et se consacre davantage à l'élevage de ses chiens qu'à l'éducation de son neveu. Je suppose que j'ai contribué à faire de cet enfant ce qu'il est devenu, murmura Bérénilde en caressant l'arrondi de son ventre. Une volonté qui ne connaît aucune limite. Pourquoi dites-vous cela? Lui demanda Ophélie. Elle ne lui répondit pas. Il y eut dans ses beaux yeux une lueur de tristesse qui leur était inhabituelle et qui laissa Ophélie profondément songeuse. Cette histoire avait probablement un rapport avec le manoir que Bérénilde avait hérité des propres parents du chevalier. Ophélie se rappelait encore la surprise qui l'avait saisie la première fois qu'elle avait découvert cet étrange domaine, son automne artificiel et sa mystérieuse chambre d'enfant qui semblait attendre le retour de celui qui l'avait autrefois occupé. Bérénilde avait toutes les raisons du monde de haïr le chevalier, mais au fond, elle ne mettait pas beaucoup d'ardeur à le rejeter. Ce fut vrai, en tout cas, jusqu'au soir où le chevalier s'approcha un peu trop près d'Ophélie. Il avait profité d'une courte absence de Bérénilde pour se faufiler en douce dans son appartement à l'insu de la tante Roseline et des Valkyries. Abasourdi, Ophélie l'avait vu entrer dans la salle de toilette où elle était occupée à prendre son bain et se mettre à lui faire la conversation le plus naturellement du monde. Lorsque Bérénilde avait surpris le chevalier accoudé à la baignoire d'Ophélie, elle était devenue livide et incapable de contenir plus longtemps son pouvoir. Elle l'avait projeté à l'autre bout du couloir. Lorsqu'il s'était relevé très choqué, ses épaisses lunettes étaient cassées. « Si vous vous en prenez à cet enfant, » avait sifflé Bérénilde, « je vous tuerai de mes propres griffes. Allez-vous-en et ne réapparaissez plus jamais devant moi. » Le chevalier s'était alors enfui du gynécée, décomposé de rage et de chagrin, et n'y était plus revenu ni le lendemain, ni les jours suivants. Ophélie, quant à elle, ne vit plus jamais Bérénilde de la même façon. Cette femme difficile, qui lui avait bien souvent mené la vie dure, l'avait défendue comme sa propre fille. « Ce que vous avez fait est admirable !» la félicita la tante Roseline. « Nous allons enfin connaître un peu la paix !» La suite des événements ne lui donna pas tout à fait raison. Un matin d'avril, le claquement de la boîte aux lettres retentit à travers l'appartement. Le cœur d'Ophélie fit des bonds de lapin en voyant son nom sur l'enveloppe, mais elle réalisa rapidement que ce n'était pas du tout un courrier de sa famille. « Mademoiselle la vicomteuse, votre mariage avec Monsieur l'intendant est programmé pour le 3 août. Je suis au regret de vous informer que vous serez morte avant. À moins que vous ne suiviez mon conseil, quittez le pôle au plus tôt et ne revenez jamais. Dieu ne veut pas de vous ici. » « Qu'est-ce que c'était ?» demanda la tante Roseline. « Une erreur, » mentit Ophélie après avoir caché la lettre. « Quelle phrase devrais-je le plus travailler pour mon élocution, selon vous ? Un gradé dragon dégrade un dragon gradé, ou pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Ophélie attendit d'être dans son lit pour relire plusieurs fois son courrier. « Dieu ne veut pas de vous ici. » Ophélie avait reçu des menaces par le passé, mais jamais encore sur un tel ton. Est-ce que c'était une farce ? La religion et la théologie étaient un folklore désuet sur Anima, comme sur beaucoup d'arches où les esprits de famille incarnaient l'absolu à eux seuls. Le dieu de cette lettre était-il censé désigner Farouk ? Le message n'était évidemment pas signé et l'enveloppe n'indiquait aucun expéditeur. Ophélie retira les gants de liseuse qu'elle portait pour dormir et palpa chaque centimètre de papier. Ce n'était pas faire un usage malhonnête de son pouvoir que de s'en servir sur une lettre qui lui était destinée, n'est-ce pas ? En particulier, une menace de mort. Elle fut toutefois déconcertée de ne rien ressentir de spécial, aucune impression forte, aucune vision particulière. La lettre avait été tapée à la machine à écrire, mais l'auteur avait forcément dû la toucher d'une façon ou d'une autre. Après un examen plus attentif, Ophélie releva des marques sur la feuille ainsi que sur l'enveloppe, comme si elles avaient été maniées à l'aide d'une pince. Malgré le faux soleil qui pénétrait par les interstices des persiennes, qui gorgeait de lumière la moustiquaire du lit et qui faisait peser sur son corps une chaleur aussi accablante qu'un édredon, Ophélie eut un frisson glacé. Il lui était impossible de lire des objets manipulés à distance. Ce messager anonyme semblait très bien renseigné sur ce qu'elle pouvait faire et ne pas faire avec ses mains. Ce n'était pas ce que la lettre disait qui la troubla le plus. C'était surtout ce qu'elle ne disait pas. Pourquoi voulait-on coûte que coûte faire échouer le mariage de Thorn ? Était-ce une simple rivalité de clan dans cette interminable guerre d'influence qui se jouait autour de Farouk ? Ophélie bondit hors du lit et fouilla dans son désordre jusqu'à remettre la main sur le fac-similé du contrat que Thorn lui avait confié. « En cas de succès, relut-elle, Monsieur Thorn obtiendra un titre nobiliaire officiel et sa condition de bâtard sera désormais considérée comme nulle et non avenue. » Si Ophélie y réfléchissait bien, cet enjeu était somme toute dérisoire. Thorn était déjà un haut fonctionnaire, redouté. Qu'il fût anobli ne changerait fondamentalement rien pour ses ennemis. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Ce qui inquiétait le camp adverse, ce n'était pas la montée en grade de Thorn, c'était la lecture du livre de Farouk à proprement parler. Mais là encore, pourquoi ? Thorn ? Dans quelle soupière êtes-vous allé me mettre ? La semaine suivante, par un interminable après-midi de chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches, alors qu'Ophélie et la tante Roseline essayaient par la même occasion de faire sécher leur propre linge sur la terrasse, le téléphone du boudoir sonna. « J'ai une communication pour mademoiselle Ophélie !» annonça une voix de femme dès qu'elle décrocha le combiné. C'est moi ?» « Vous êtes mademoiselle Ophélie ?»« Oui. À qui ai-je l'honneur ?»« Vous êtes invitée à entrer en correspondance avec l'intendance. Veuillez patienter un instant. » Ophélie s'apprêtait à protester, n'ayant aucune envie d'être mise en relation avec quoi que ce fût qui émanerait de l'intendance, mais elle fut distraite par un bruit de grêle. Elle avait renversé le contenu de sa boîte de pince à linge sur le parquet. Elle était en train de les ramasser, le combiné de téléphone coincé entre l'épaule et le cou, quand une voix maussade lui résonna dans l'oreille. « Allô ?» Entendre Thorne éveilla en Ophélie une telle nervosité qu'elle songea sérieusement à lui raccrocher au nez. « Allô ?» répéta Thorne. « Vous avez changé de secrétaire ?» demanda Ophélie assise sur le parquet au milieu des pinces à linge. « Non. Pourquoi me parlez-vous de lui ?» À cette intonation brutale, Ophélie pouvait visualiser le froncement de sourcils qui l'accompagnait. « Je viens d'avoir une femme au téléphone. » « Une standardiste, » expliqua Thorne comme si c'était la plus élémentaire des évidences. « La tour de Farouk et l'intendance ne sont pas reliées aux mêmes centrales téléphoniques, et nous n'avons pas de système automatique. » Ophélie ne comprenait rien à ce jargon. Sur Animal, les téléphones se débrouillaient bien sagement entre eux, et puis voilà. « Que vouliez-vous me dire ?»« Il me semble que c'est plutôt à vous de me dire quelque chose, » rétorqua la voix monocorde de Thorne. « Je n'ai reçu aucune nouvelle de votre part depuis votre emménagement. » La dernière pince à linge qu'Ophélie allait ranger dans sa boîte s'anima brusquement pour lui mordre le doigt, contaminé par sa colère. Elle songea un instant à lui parler de la lettre dactylographiée, lui mettre sous le nez le danger auquel ils étaient en train de l'exposer, lui et sa maudite ambition. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Thorne était déjà conscient des risques, et il n'avait pas annulé les fiançailles pour autant. « Il n'y a rien que vous ayez besoin de savoir. »« Vous êtes toujours fâché contre moi, » constata Thorne d'un ton neutre. « Je pensais pourtant que nous avions remis les pendules à l'heure. Nous étions tombés d'accord sur le fait que nous avions emprunté l'un et l'autre un mauvais chemin. » Ophélie ferma les yeux sous le coup de l'émotion. La pince à linge déchaînée s'agitait à son doigt comme un crabe furieux. « Non, Thorne, vous êtes tombé d'accord tout seul. Vous devriez considérer... Écoutez-moi bien, » le coupa Ophélie. Je vous plaignais sincèrement, parce que je croyais que Bérénilde avait arrangé ce mariage, que nous étions ces deux marionnettes. Je sais maintenant qu'il n'y a jamais eu qu'une seule marionnette depuis le début, et que c'était moi. Que vous ayez voulu m'épouser pour mes mains, je peux accepter cette idée. J'ai vu dans quel monde vous avez grandi. Mais l'avoir appris par une autre bouche que la vôtre, conclut-elle dans un murmure sourd. « Ça, je ne vous le pardonnerai jamais. » Un silence de tombe avait soudain empli le cornet acoustique du téléphone. À défaut de s'être vidée de sa colère, Ophélie s'était vidée de son souffle. Ses exercices de diction auraient au moins servi à quelque chose. Elle se concentra sur le papier peint à fleurs du boudoir, essayant de faire abstraction de cette pince à linge qui déchirait hargneusement la couture de son gant. « Vous avez entendu ce que je viens de vous dire, Thorne? Ou je dois vous le répéter ?»« Ne le répétez pas. » L'accent du Nord durcissait tellement sa voix qu'il était difficile de savoir quand il était mécontent et quand il ne l'était pas. « Bon. Y a-t-il autre chose avant que je raccroche le téléphone ?» Ophélie espérait que non. Sa main tremblait si fort qu'elle n'était pas certaine de pouvoir garder encore longtemps le lourd combiné de nacre contre son oreille. « Je pense que vous devriez venir, » répondit Thorne après un instant de réflexion. « Seul, de préférence. » « Pardon ?» La qualité d'écoute étant médiocre avec des grésillements de lignes, Ophélie n'écartait pas la possibilité d'avoir mal entendu. « Je vous donne rendez-vous. » Un rendez-vous officiel, de futur mari à future épouse. Vous me recevez toujours ? Oui, oui, je vous reçois, bredouilla-t-elle. Mais enfin, pourquoi nous voir ? Je viens de vous dire... Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'être ennemis, trancha Thorne. Vous me compliquez la vie avec votre rancœur. Nous devons impérativement nous réconcilier. Je n'ai pas le droit de pénétrer dans le gynécée. Retrouvez-moi à l'intendance, insultez-moi, giflez-moi, cassez-moi une assiette sur la tête si ça vous chante et puis n'en parlons plus. Votre jour sera le mien. Ce jeudi m'arrangerait, disons. Il y eut dans le cornet acoustique un bruit de page tourné à la hâte. Entre 11h30 et midi. Je vous note sur mon emploi du temps. Suffoquée, Ophélie raccrocha le combiné avec autant de colère que si elle l'avait abattu sur le crâne de Thorne. Ce soleil ne vaut vraiment rien, déclara la tante Roseline en la voyant revenir. Les draps sont plus intelligents que nous. Ils ont parfaitement compris que c'était du toc. Les chemises de notre archiduchesse ne sont pas prêtes d'être sèches. La colère noire dans laquelle baignait Ophélie depuis sa conversation téléphonique avec Thorne se dissipa un soir lorsqu'un domestique déposa deux lettres et trois colis à l'appartement. Ophélie redouta d'abord de nouvelles menaces de mort, mais il y avait cette fois Anima, inscrit sur le cachet de la poste. « Alors, qu'est-ce que ça raconte ?» s'impatienta la tante Roseline pendant qu'Ophélie déchirait maladroitement l'enveloppe de la première lettre. « Maman est furieuse mais soulagée, » expliqua Ophélie à mesure qu'elle lisait. « Elle m'accuse de lui avoir provoqué de violentes palpitations avec mon silence. Elle voudrait que je lui envoie des photographies la prochaine fois. Elle n'a rien compris à mes descriptions. Elle est très étonnée d'apprendre que nous avons autant de soleil en plein hiver polaire et me demande si je ne me suis pas trompée d'arche. Ah, elle m'offre un nouveau manteau, mais il paraît qu'il a aussi mauvais caractère que la couturière. Ce doit être le gros colis qui remue là. Elle espère que je fais bonne impression à ma nouvelle famille. » Elle devrait commencer par espérer que ta belle famille te fasse bonne impression à toi, marmonna la tante Roseline entre ses longues dents. Et ensuite ? Ensuite, c'est Agathe qui continue. Elle va avoir un nouveau bébé. Déjà ? Eh bien, ta sœur ne perd pas de temps. Elle dit que ça ne l'empêchera pas de venir au mariage. Elle a confectionné une robe assortie à ses yeux qu'elle compte porter spécialement pour l'occasion. Elle l'a déjà adaptée à la taille d'une grossesse de 6 mois. Elle a aussi prévu de jolies robes blanches pour nos petites sœurs. C'est tout ? Non, elle me reproche de ne pas leur avoir fait parvenir une liste de mariage. Elle voudrait remplacer mon écharpe par un châle, mais elle hésite sur la couleur. Des manteaux, des robes, des châles, énuméra la tante Roseline en roulant des yeux. Et ensuite ? C'est papa qui poursuit. Il veut savoir si je m'entends bien avec mon fiancé et sa famille. Il a hâte de me revoir pour le mariage et il me... Il te quoi ? Je n'ai pas bien entendu la fin de ta phrase. Ophélie ne l'avait pas prononcée. Je te demande pardon. Elle sentit sa gorge se nouer, son nez piqué et ses yeux devenir encore plus flous que d'habitude. Elle dut prendre sur elle pour poursuivre sa lecture d'une voix à peu près recomposée. Hector termine la lettre. Il me demande pourquoi il fait soleil et nuit en même temps au pôle. Pourquoi j'ai écrit « Citaciel » au lieu de « Citadelle » et pourquoi je parle de tout sauf de Thorne. Il m'envoie une toupie qu'il a animée lui-même et qui ne s'arrête jamais de tourner. Ce doit être le petit colis qui ronronne. « Ton frère est le plus intelligent de tous !» décréta la tante Roseline. Elle avait profité de ce qu'Ophélie ouvrait la deuxième enveloppe pour souffler le plus discrètement possible dans un mouchoir. De son côté, Ophélie espérait que sa tante ne remarquerait pas à quel point son propre menton tremblait. « C'est mon parrain, » dit-elle avec un sourire irrépressible. « Un mot de moi, et il prend le premier dirigeable en partance pour le pôle. » Ophélie ne lui en demandait pas tant, bien sûr. Elle mettait suffisamment la tante Roseline en danger pour ne pas impliquer en plus un autre membre de la famille. Pourtant, ces quelques mots lui procurèrent un réconfort inouï. Le dernier collier de lui, il n'en dit pas plus, pour me laisser la surprise. Ophélie déchira le papier renforcé du paquet. Il contenait un livre illustré, plutôt épais, qui sentait un peu la cave et qui portait le titre « Contes d'objets et autres histoires animistes, adaptation libre des fables du vieux monde ». « En espérant que ça te sera utile, gamine », disait une écriture penchée en haut de la première page. Artémis en possède un exemplaire dans sa collection privée. Ça plaira peut-être à son frère. Si le grand-oncle s'était tenu là devant elle, Ophélie se serait jetée dans ses bras. « Votre parrain a le sens de la propos ?» Bérénilde avait attendu qu'elle eût fini la lecture de son courrier pour s'approcher d'elle dans un froufrou de robe. Ses deux doigts bagués pinçaient un carton d'invitation. Dès qu'Ophélie s'en saisit, l'illusion d'un feu d'artifice miniature lui explosa au nez. « Veillez surprise, le seigneur Farouk convie toute la cour à le rejoindre au théâtre optique du Splendide, ce soir, à minuit sonnant. « Toute la cour ?» releva Ophélie. Vous croyez que je suis incluse là-dedans? Vous devriez lire l'invitation en entier, suggéra Bérénilde. Les lunettes d'Ophélie blêmirent sur son nez quand elle prit connaissance du programme de la soirée. Les pantomimes lumineuses du conteur, suivies des histoires inédites de la vice-conteuse. C'est une plaisanterie. C'est dans une heure, assura Bérénilde avec le plus grand sérieux. Et dire que je viens juste de rentrer de la jetée promenade. Cela me laisse à peine le temps de changer de toilette.